Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Qu'arriva-t-il aux Philistins et à leur dieu Dagon après avoir déporté l'Arche d'Israël dans la ville d'Ashdod ? Comment la double victoire des Philistins est-elle contrebalancée par la double défaite du dieu Dagon, demande Thomas Römer. Qu'est-ce que la stratégie d'évitement du seuil? Quelles sont les plaies envoyées à la ville d'Ashdod, puis à Gath, quand l'arche est à nouveau déplacée par les Philistins? Comment la main de Dieu s'avère-t-elle une notion très courante au Proche-Orient? Thomas Römer, titulaire de la chaire des milieux bibliques, ancien doyen de la faculté de théologie de l'Université de Lausanne, nous entraîne dans une vaste enquête au cœur des textes bibliques, mais aussi dans la perspective des dernières découvertes archéologiques et philologiques, dans le cadre de sa nouvelle série intitulée « L'Arche d'Alliance, mythes, histoires et histoires ». L'exégète montre que l'histoire de l'Arche participe à l'unification multiséculaire et progressive de la religion d'Israël autour de Yahvé et de lui seul. Dans un entretien donné au Nouvel Observateur en 2014, il rappelle, je le cite, les différents contextes d'écriture de la Bible. Selon lui, le règne de Josias marque à cet égard un tournant. Avec sa réforme politique et religieuse dans les années 620 avant Jésus-Christ, le roi opère un grand ménage dans le temple de Jérusalem. Pour consolider une royauté et une identité affaiblie, Josias centralise la religion judéenne autour de Yahvé et élimine les cultes qui lui étaient liés, comme celui d'Arécha, sa parèdre. Ce que la loi du Deutéronome exige n'est d'abord qu'une monolâtrie, souligne encore Thomas Römer, c'est-à-dire le fait de n'adorer qu'une seule divinité, Yahvé, et en un seul endroit, au temple de Jérusalem. Après la destruction du sanctuaire et de la ville en 587 avant Jésus-Christ, Thomas Römer appelle aussi le coup de génie des intellectuels judéens en exil qui retournent la rhétorique des vainqueurs au profit de Yahvé, les scribes qu'on appelle aujourd'hui deutéronomistes, puisqu'ils s'inspirent du style et de la théologie du Deutéronome, vont donc réécrire l'histoire. À la fin du livre des Rois, ils expliquent ainsi que c'est Yahvé lui-même qui a décidé tous ces événements et qu'il s'est servi des Babyloniens comme d'un outil entre ses mains pour punir son peuple et les rois. Et si Yahvé s'est montré capable de contrôler les dieux de Babylonie, c'est que ceux-ci ne sont pas des vrais dieux, mais des statues qu'on promène, de vulgaires bouts de bois ou de métal fondus, sans le moindre pouvoir. Dans le cours précédent, nous avons assisté ainsi à la défaite du dieu des Philistins face à l'arche. Nous découvrons cette semaine comment la supériorité de cette arche des Hébreux va être démontrée. Nous gagnons tout de suite l'amphithéâtre du Collège de France le 5 avril 2018 pour le cours de Thomas Römer, aujourd'hui, l'Arche en territoire philistin. On va d'abord regarder comment l'Arche va vaincre le dieu des Philistins, Dagon. Donc c'est au chapitre 5. Je vais vous traduire d'abord les premiers versets du chapitre 5. Donc vous vous souvenez, les Philistins, et d'ailleurs le chapitre le rappelle, les Philistins avaient pris l'Arche de Dieu et ils la transportèrent de Even Ha-Ezer, donc de la pierre de secours, à Ashdod. Les Philistins prirent l'Arche de Dieu, ou de Yahvé, et la transportèrent dans le temple de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Les Ashdodiens se levèrent le lendemain. La Septante dit « Ils y allèrent le matin dans la maison de Dagon et virent. » Et Dagon était allongé, la face vers la terre, devant l'arche de Yahvé. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Ils se levèrent de bon matin, donc le lendemain, et voici, Dagon était allongé, la face vers la terre, devant l'arche de Yahvé. La tête de Dagon et les deux paumes de ses mains étaient coupées à côté du seuil. Seul Dagon était resté sur lui. Ça, c'est pas tout à fait clair. Il faut probablement lire que c'est le tronc de Dagon qui avait subsisté. Donc il y a une petite erreur sans doute au niveau de l'hébreu. Et c'est pourquoi les prêtres de Dagon et tous ceux qui viennent au temple de Dagon ne marchent pas sur le seuil ou sur le seuil de la maison de Dagon à Ashdod jusqu'à ce jour. Et le texte grec précise « ils passent par-dessus ». Voilà le premier épisode, donc la défaite d'Agon à Ashdod. Donc ce que nous devons faire d'abord, c'est nous intéresser à la ville de Ashdod et ensuite aussi au dieu de Dagon et de comprendre en fait ce qui se passe avec ce rite du seuil. Alors, la ville de Ashdod, Atsotos en grec, elle se situe en fait sur ce qu'on appelle la Via Maris ou la route des Philistins qui monte de Gaza jusqu'à Jaffa, ou Tel Aviv, et puis après elle entre un peu dans les terres. Donc c'est la route commerçante la plus importante qui monte en fait de l'Égypte jusqu'à Syrie. Cette ville est déjà mentionnée dans les textes d'Ougarite, donc 13e siècle avant l'ère chrétienne, où apparemment il est question des marchands de textiles et de laine de Ashdod qui s'installent, qui ont des colonies en fait à Ougarit. Donc il y a beaucoup de contacts commerciaux et cela peut-être se reflète même dans le mot Ashdod qui pourrait venir d'un mot Asdadou qui voudrait dire quelque chose comme foire. Donc c'est en effet un lieu où on fait du commerce, notamment avec Ougarit et avec le Chypre. Cette ville, elle est connue en fait sur le plan archéologique depuis le Moyen Bronze, depuis le XVIIe siècle, et à cette époque-là, elle était comme tout le Levant sous contrôle égyptien. Vers la fin du Bronze, il y a des traces de destruction qu'on peut observer qui pourraient en effet indiquer une sorte de remplacement de la population autochtone par les fameux Philistins dont nous avons déjà parlé. Et on trouve ensuite, au début de l'époque du fer, beaucoup ce qu'on peut appeler de la poterie philistine, notamment cette statuette d'une femme qu'on a voulu identifier à la déesse mère des Philistins. Je vous dis tout de suite, on ne sait pas beaucoup de choses sur la religion des Philistins, à part Dagon, donc les textes bibliques sont très très discrets, et les peu de textes philistins également. Donc les archéologues ont un peu cette tendance, dès qu'ils trouvent une statuette, c'est nécessairement une divinité, une déesse ou un dieu. On ne le sait pas. Hein, ça pourrait être aussi simplement une reine, une femme. Voilà. Et donc la ville devient importante aux alentours du 11e, 10e siècle. Elle s'agrandit de manière spectaculaire. On a à la fois une acropole et une ville basse avec une forteresse et Ashdod et jusqu'à l'époque néo-syrienne, la ville philistine la plus importante. Après, ça va décliner un tout petit peu, mais je vais quand même vous raconter la suite de l'histoire parce que vous allez voir, c'est très important aussi par rapport à ce dieu de Dagon. Donc, dès Tiglath-Pileser III, les Assyriens dominent le Levant et aussi donc les villes philistines. Sargon II va donc intervenir dans les affaires de Ashdod, puisque un roi lui plaisait pas, était peut-être un peu trop réticent à payer les impôts, Atsuri. Il met son frère Achimiti sur le trône, ce qui provoque ensuite une révolte à Ashdod, où la population fait régner un certain Yamani. C'est peut-être un grec. Le nom pourrait indiquer qu'ils ont importé un grec. Et puis, de toute façon, on a vu les liens entre les Philistins et la Méditerranée. Ce qui, en fait, va mener vers une révolte. Ce Yamani va apparemment préparer une révolte contre les Assyriens, dans lequel il veut aussi impliquer Israël et Juda. Et d'ailleurs, nous avons des traces de cette situation dans les textes bibliques, puisque dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 20, il est question que Sargon d'Assyrie va attaquer Ashdod. Et apparemment, Ézéchias, qui règne à ce moment-là, le roi Ézéchias, vous le connaissez peut-être, c'est un peu le Trump des rois judéens, comme ça, il est toujours très anti-assyrien. Donc, il apparemment veut se joindre à la révolte et il y a apparemment quand même des contacts avec Ashdod parce qu'on a trouvé à Ashdod ce sceau lamellaire pour le roi, qui sont typiquement des sceaux judéens royaux du 8e, 7e siècle. Donc apparemment, il y a des contacts puisque un tel sceau est donc arrivé à Ashdod. Si on lit Ésaïe 20, on voit que le prophète Ésaïe, en fait, va mettre en garde contre cela, contre cette révolte, avec ce qu'on appelle un acte signe, c'est-à-dire il va en effet se promener tout nu dans les rues de Jérusalem pour annoncer ensuite « Mon serviteur, donc Yahvé va dire via le prophète, mon serviteur Ésaïe s'est déchaussé, est allé nu, et de même, le roi d'Assyrie amènera les prisonniers nus. » Et c'est tout à fait attesté par les reliefs assyriens, où on voit en effet que les Assyriens avaient cette habitude, en fait, d'amener le prisonnier nu en Assyrie ou ailleurs. À partir de ce moment-là, Ashdod va devenir en fait le nom d'une province assyrienne. Donc, à partir de 730, grosso modo, les Assyriens vont en effet annexer à la fois le royaume d'Israël, donc vous avez Galaad, Megiddo, Dor, ça va devenir des provinces assyriennes, donc va subsister en fait que Samaria jusqu'à 722, et ensuite aussi Ashdod, qui en fait perd son indépendance, contrairement à des villes comme Ashkelon ou Gaza ou Ekron, qui ne sont jamais intégrées dans le système des provinces assyriennes. Donc la ville devient un vassal, ou la ville et son entourage devient en fait vassal du roi d'Assyrie et perd aussi son importance. Donc ça pourrait dire en fait que si on regarde notre histoire de l'Arche, et si on regarde que Ashdod est présenté en 1 Samuel 5 comme étant la ville la plus importante, que c'est sans doute un contexte historique qui précède la défaite de Ashdod par les Assyriens. Donc on peut en effet penser à un contexte plutôt du 9e ou 8e siècle avant notre ère. Mais l'histoire n'est pas terminée. Le roi Josias, en 620, avait peut-être des visées à récupérer les anciens territoires du Nord, et nous trouvons dans un texte de liste du pays, en Josué 15, donc le pays promis, on trouve dans cette liste, qui date dès l'époque de Josias, les noms de Ashdod, Gat et Ekron. C'est intéressant parce que c'est aussi les noms qu'on va avoir après dans l'histoire de l'Arche, et là ils sont revendiqués comme faisant partie de Juda, ce qui probablement n'a jamais été le cas, donc c'était plutôt un peu du wishful thinking, mais que probablement c'était un peu un programme politique de Josias qui probablement s'est jamais réalisé. Ensuite, en 604, Ashdod est en effet conquis par les Babyloniens. Mais pendant l'époque perse, ou déjà babylonienne, il y a apparemment beaucoup de contacts entre Ashdod et la Judée, puisque on trouve par exemple en Néhémie 13 un texte critique où on dit qu'il y avait des Juifs qui avaient épousé des femmes ashdodites, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils ne parlait plus l'hébreu, mais ils parlaient l'ashdodien, et aucun d'eux ne montrait capable de parler le judéen, mais la langue d'un peuple ou d'un autre. Et aussi dans le livre de Zacharie, on parle des bâtards qui vont s'installer à Ashdod. Et encore en 2 Chroniques 26, c'est probablement pas un récit historique, on raconte que le roi Ozias aurait été en guerre contre les Philistins et qu'il aura démoli les murailles de Gath, de Yavné et de Ashdod, qui est probablement plutôt signe d'une certaine hostilité et ne reflète pas forcément un événement historique. Donc ça s'inscrit un peu dans cette vision qu'on a en Néhémie 13 et aussi en Zacharie 9, probablement une vision un peu négative, mais qui en fait reflète ou réagit à une réalité en fait de contact assez étroit entre Ashdod et la Judée. Et ça va continuer jusqu'au Nouveau Testament, je vous expliquerai ça tout de suite. Donc, à partir de l'époque perse, donc, il y a ces liens très forts. Ashdod, je vous ai dit, n'a jamais été judéen jusqu'à l'époque des Maccabées. Alors, les Maccabées s'emparent de Ashdod et de son territoire, et c'est là, et ça c'est très intéressant, où a une sorte de, comment dire, de reprise du texte de 1 Samuel 5 par le récit de 1 Maccabée 10, où en effet, Jonathan qui se trouve en guerre contre un roi grec, aurait donc détruit le temple de Dagon. Donc là, on dit que les fouillards de l'armée de l'ennemi arrivent à Ashdod, entrèrent dans le temple de Dagon, le sanctuaire de leur idole. Mais Jonathan incendia Asdod, donc Ashdod, et les villes alentours. Il les dépouilla et livra aux flammes le sanctuaire de Dagon et ceux qui s'y étaient réfugiés. Donc, du coup, Ashdod, d'abord détruit, est ensuite incorporé dans la Judée. Jusqu'à 63, lorsque les Romains mettent fin au règne des Asmonéens, donc des Maccabées, et Ashdod retrouve un statut de ville indépendante et reconstruite également, tout en gardant une population judéenne importante. Puisque si vous lisez les Actes des Apôtres, au chapitre 8, vous voyez que Philippe, donc en tournée missionnaire, va séjourner en fait à Ashdod, donc ce qui montre qu'il y a suffisamment des Juifs à missionner là-bas. Voilà Ashdod, la ville la plus importante, qui a une longue histoire et qui est celle en fait où la Bible nous dit se trouve le sanctuaire du dieu Dagon. Alors, ce dieu Dagon ou Dagan à l'origine est attesté dès le troisième millénaire avant l'ère chrétienne à Nippur et ensuite, donc, est une divinité très importante à Emar et à Mari. Il porte le titre de Dagon de Toutoul, donc ce qui est apparemment son origine, mais il est aussi vénéré à Terka. De là, il va migrer à Ougarit, où on trouve Dagan, toujours appelé Dagan de Toutoul. Et là, vous voyez comment, en fait, Dagan est intégré après coup dans le panthéon de Ougarit, parce que il devient le père de Baal. Alors que, dans les textes mythologiques, c'est qui le père de Baal? C'est El. Donc, en fait, on a rattaché Dagan après coup et même en contradiction avec les grands textes mythologiques de Ougarit, comme étant le père de Baal, sans doute parce que les deux dieux ont des fonctions similaires, je reviendrai là-dessus. Dans des listes d'offrandes qu'on donne aux dieux, Dagan à Ougarit apparaît en troisième position, hein, ce qui montre quand même une certaine importance, même si nous n'avons pas des récits mythologiques sur Dagan. Nous connaissons très peu de choses, probablement parce que justement il ne fait pas partie du panthéon autochtone. Il est possible, mais discuté, qu'il y avait dans la ville d'Ougarit, à côté du temple de Baal, aussi un temple de Dagan. Ça, c'est ce que j'avais appris à l'époque. Maintenant, il y a des gens qui ne sont pas sûrs, de nouveau, parce qu'on n'a pas de nom, il n'y a pas de plaque, c'est pas marqué ici sur le temple d'un tel. Donc, il y a ceux qui pensent que ça pourrait être le temple de El. Donc, c'est très, très difficile d'attribuer les temples, mais ce n'est pas impossible non plus que ce soit le temple de Dagan, d'autant plus qu'il est à proximité du temple de Baal. Et comme je vous ai dit, les deux dieux sont quand même liés, sans doute par leur fonction. Apparemment, Dagan, dans les textes anciens, est à la fois un dieu de l'orage, ce qui, du coup, explique sa proximité avec Baal, mais il apparaît aussi comme un dieu créateur. Du coup, se pose la question de son nom. Qu'est-ce que ça signifie, Dagan ? Alors, dans la Bible et dans d'autres langues sémitiques, on pense d'abord à un mot, Dagan, qui veut dire le blé. Ce sera le dieu du blé, des moissons. D'autres ont proposé un lien avec un mot qu'on trouve dans les textes arabes, Nahana, être sombre, ténébreux, ce qui pourrait en effet aller très bien pour un dieu de l'orage, qui est dans les nuages, dans les nuées. Ou alors, ça c'est la tradition juive, mais aussi repris curieusement par le grand exégète Wellhausen, qui a vu un lien avec le Dag. Dag en hébreu, c'est le poisson. Ce sera un dieu poisson. Ce qui, à mon avis, n'est pas très, très logique, puis ne va pas très bien. Donc je pense que ça, on peut le laisser tomber. Il faut plutôt penser à l'un ou l'autre. Je reviendrai là-dessus. Dagan, donc, comme je vous ai dit, nous ne savons pas beaucoup de choses. Nous avons ce texte, l'histoire de l'Arche. Ensuite, nous avons l'histoire de Samson. Vous connaissez l'histoire de Samson, est trop amoureux de Dalila, se fait couper les cheveux et donc sa force, et enchaîné donc dans le temple de Dagan. Mais là, ce temple se trouve à Gath. Donc, si c'est pas simplement une invention narrative, pour imaginer qu'il y avait peut-être aussi un temple de Dagon à Gath, si Dagon était vraiment une sorte de divinité principale des Philistins. Malheureusement, aucun texte philistin jusqu'à maintenant nous parle de ce Dagon. Celui qui nous parle de Dagon, c'est le sarcophage d'Eshmunazar, donc à Byblos, en Phénicie, qui en effet se vante de tous ses exploits, et à cause de ses exploits, il dit « Le Seigneur des rois, sans doute un dieu, lequel on ne sait pas très bien, nous donna, donc à lui, d'or et Joppa, donc d'or et Jaffa, Tel Aviv actuel, les terres puissantes de Dagon. » Donc cette région-là, de d'or à Jaffa, est appelée les terres puissantes de Dagon, donc sont sans doute mis en lien avec cette divinité. Et puis dans la Bible, on a deux fois dans le livre de Josué la ville de Beth Dagon, donc la maison de Dagan. D'autres disent c'est simplement la maison de blé. De nouveau, c'est difficile à trancher, mais ça peut être tout à fait une allusion à la divinité Dagon. Maintenant, il y a des gens qui ont dit que le Dagon des Philistins, ce n'est pas du tout le Dagan qui nous vient de la Syrie et d'Ougarit. Et ils ont postulé en fait deux divinités différentes, un Dagan de la Syrie et un Dagon des Philistins, avec l'idée que l'un sera plutôt un dieu de l'orage et l'autre plutôt un dieu du blé. Et ils ont dit en fait que l'identification de ces deux Dagones serait l'œuvre de Philon de Byblos. Je vous ai déjà parlé de Philon de Byblos, que nous connaissons que par des fragments, via le père de l'Église Eusèbe. Il a écrit, malheureusement nous n'avons que des extraits, une grande histoire de la Phénicie. Et dans cette histoire, il dit que Dagon en fait est le frère de El et l'inventaire du blé. Donc il dit « Dagon, après avoir découvert le blé et inventé la charrue, fut nommé Jupiter agricole ». Bon, évidemment, il s'amuse à identifier toutes sortes de divinités, mais je pense qu'il ne faut pas postuler deux Dagon. Ce qui est possible, par contre, c'est que le lien étymologique entre Dagon, Dagan, le blé, est peut-être en effet quelque chose de secondaire, et qu'à l'origine, ce Dagon est plutôt un dieu du type dieu de l'orage. Donc, du coup, plutôt en lien avec les nuées, etc. Ce qui, en fait, correspond à ce que nous avons à Ugarit, hein, où, en effet, il devient le père de Baal. Et du coup, aussi, Ugarit, je pense, c'est un peu la plaque tournante, parce que je vous ai dit tout à l'heure que les gens de Ashdod, les commerçants ashdodiens, avaient des colonies à Ugarit. Donc, c'est peut-être eux qui, de Ugarit, ont amené Dagan vers les Philistins. Ça, c'est tout à fait plausible, donc on va très bien. Les dieux, c'est comme les marchandises. Les dieux aussi, on peut les amener, on peut les échanger, on peut les faire connaître, on peut les adopter, on peut les transformer, etc. Donc, je pense qu'il faut en effet imaginer quelque chose de comparable. Le Collège de France et France Culture vous présente Thomas Römer dans le cadre de sa série L'Arche d'Alliance, Mythes et Histoires. Aujourd'hui, l'Arche en territoire philistin. Donc, maintenant, nous avons clarifié Ashdod, Dagan, et se pose la question, maintenant, comment va se passer l'installation de l'Arche dans le temple de Yahvé. La première chose qu'on peut en effet observer, c'est que la manière dont les Philistins amènent l'arche dans le temple de Dagan correspond en effet à une pratique qui est très connue déjà chez les néo-assyriens, à savoir quand vous êtes vainqueur d'une ville, qu'est-ce que vous faites ? Vous déportez la population, bien sûr, en partie, mais vous déportez aussi les divinités principales, comme vous l'avez par exemple ici. Ça, c'est en fait la prise de la ville de Gaza par les Assyriens. Et vous voyez comment ils transportent en fait les statues des divinités. La même chose d'ailleurs lors de la destruction de Samarie. Le roi assyrien se vante d'avoir déporté les dieux en qui les Israélites ont placé leur confiance. Donc, l'idée, c'est en effet qu'on montre sa supériorité, non pas seulement en déplaçant les populations, mais en exilant également les dieux, comme le dit d'ailleurs cette inscription, ces annales de Sennacherib, « Sitka, le roi d'Ashkelon », donc on est de nouveau chez les Philistins, « qui ne s'est pas soumis à mon joug, les dieux de sa maison paternelle, lui-même, etc., je les ai déracinés et je les ai amenés en Assyrie. » Et c'est quoi l'idée ? Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Ben, d'une certaine manière, c'est de montrer que les dieux des peuples vaincus devient en quelque sorte les vassaux des dieux du vainqueur. Donc ce n'est pas totalement un disrespect, hein, ce n'est pas une sorte d'action purement péjorative, on a un certain respect, on les prend, mais on les met à côté du dieu des vainqueurs pour dire, voilà, même le dieu donc, du peuple vaincu a en effet abandonné son peuple pour en fait se mettre du côté des Assyriens ou d'autres peuples. Donc, l'idée, c'est évidemment, si Yahvé a abandonné son peuple, hein, il est mis du côté des Philistins et devient ainsi un vassal ou un allié associé de Dagan. Hein, ça, c'est l'idée des Philistins. Mais c'est à un moment-là que le récit de l'Arche va bousculer, va devenir une sorte de contre-histoire, parce que jusqu'à là, tout se passe comme on a l'habitude que les choses se passent. Hein, on a vaincu l'armée israélienne, on prend l'arche qui représente la présence du Dieu d'Israël et on la met dans le temple de Dagan. Et c'est ici que les choses, tout d'un coup, vont changer et ce ne sera pas comme prévu. Parce que, première chose qui va se passer, au lieu d'être sous la domination de Dagon, l'arche va faire tomber la statue de Dagon par deux fois. Donc vous vous souvenez du texte, deux fois l'arche va faire tomber Dagon. La première fois, Dagon tombe dans une position qui est celle d'une prosternation. Il se prosterne devant l'arche, donc devant Yahvé. Et la deuxième fois, il ne reste de Dagon que son tronc, probablement. Donc les mains sont coupées, la tête probablement aussi, ne reste que le tronc. Et cela aussi, on peut le comparer avec certaines images. Ben, on a aussi des images très récentes, mais ça, c'est une autre histoire. Hein. Mais vous avez déjà ici des images de l'armée assyrienne qui détruit les statues des peuples vaincus. Donc, il y avait les deux idées. Hein. Alors, je ne sais pas s'il y a une logique absolue. Parfois, on les déportait, mais parfois aussi, on les détruisait. Peut-être selon le degré d'hostilité ou d'arrangement ou de possibilité de les mettre en fait en situation de vassalité. Donc l'idée d'ailleurs de mutiler des statues des dieux, c'est quelque chose qui est très populaire dans le Proche-Orient, surtout après à l'époque perse, hellénistique, romaine. On peut presque parler des décapitations, donc. Il y a, si ça vous intéresse, là, un article très intéressant sur la destruction et la mutilisation des statues en Mésopotamie, qui, en effet, montre qu'il s'agit là des pratiques très, très largement attestées. On a trouvé beaucoup de statues, en effet, dont manque la tête, mais parfois aussi les mains. Ce qui a amené quelqu'un du nom de Zwickel de dire que notre histoire, 1 Samuel 5 serait en effet à dater de l'époque hellénistique ou même plus récemment à l'époque romaine. Mais comme je vous ai montré qu'il y a des parallèles avec les Assyriens déjà, je pense qu'il n'y a pas besoin de suivre cette théorie qui me semble peu plausible. Donc l'idée, c'est en effet une sorte de renversement d'une pratique qui est connue et qui, du coup, va montrer la supériorité de l'arche, comme vous le voyez aussi dans cette peinture que vous avez peut-être identifié certains d'entre vous, qui nous vient de la synagogue de Doura Europos, donc en Syrie, hein, qui, en effet, contre toute interdiction d'image, a une mise en scène des grands récits bibliques de manière tout à fait magnifique. Heureusement, ces tableaux ne sont plus à Doura Europos, mais au musée, mais encore, je ne sais pas dans quel état. Mais là, vous voyez, en effet, la destruction de la statue. Et puis, ça passe déjà presque au chapitre 6, en sautant les autres épisodes, en montrant comment les vaches vont amener ensuite l'arche. On y reviendra. Donc, la double victoire des Philistins est donc contrebalancée par la double défaite de Dagon vis-à-vis de la statue. On peut évidemment aussi penser à un thème mythologique qui est le combat des dieux, hein, donc c'est un grand classique, qui d'une certaine manière est repris aussi. L'importance des mains, Comment expliquer cela? Certains ont voulu voir que si on insiste sur le mât, c'est qu'apparemment c'était peut-être une statue où les mâts étaient peut-être en signe de protection ou en signe de bénédiction. On a trouvé à Arad, donc dans le Negev, dans le désert judéen, une petite statue d'une... Ouais, bah on dit tout de suite de nouveau une divinité, on n'en sait rien. Mais disons, voilà, une statue avec deux grandes mains levées, un peu stylisées comme des épis, et certains ont voulu voir là une représentation de Dagan à cause des mains levées en style d'épis. C'est possible, mais de nouveau, très, très hypothétique. Hein. Donc, comme je vous dis, il faut être très prudent. N'importe quel graffiti n'est pas immédiatement un dessin d'une divinité. Voilà. Alors, venons maintenant à la question de l'évitement du seuil. Donc, l'idée de ce premier scène, c'est à cause de cela, personne marche sur le seuil de la maison de Dagon. Donc là, je pense, on a quelque chose qu'on a souvent, c'est qu'on prend un rituel qui existe depuis la nuit des temps et on le met en lien avec un récit, on lui donne une explication. Hein. Probablement, le rite est plus ancien. Hein. Le seuil d'un sanctuaire est évidemment l'entrée dans l'espace sacré, donc quelque chose qui marque une distinction entre le profane et le sacré, et on trouve cette idée du respect par rapport au seuil aussi dans d'autres coutumes. Par exemple, si vous allez dans une mosquée, ben vous allez vous déchausser, ou dans un temple bouddhique également. Vous connaissez peut-être aussi la coutume profane que le jeune mari va porter sa femme au-dessus de du seuil, donc il ne faut pas qu'elle frôle le seuil. Et puis il y a ce terme allemand, je ne sais pas très bien d'où il vient, qui s'appelle Schwellenangst, c'est-à-dire la peur du seuil. La peur du seuil. Donc il ne faut pas. Alors c'est quand on a peur d'entamer quelque chose, donc un Schwellenangst, donc qui montre en effet ce caractère sacral du seuil. Alors, il y a une théorie qui a été énoncée par Herbert Donner, qui avait dit que peut-être derrière cela se trouve une coutume assyrienne, ou disons qui est connue, peut-être elle est plus ancienne, mais qui est connue par les Assyriens, à savoir qu'on enterre sous le seuil des statues des divinités ou des génies protecteurs qui sont censés en fait protéger l'enceinte sacrée. Et du coup, on ne peut pas marcher au-dessus, disons, sur ces animaux. Donc, cette coutume apparemment est également attestée, mais de manière critique à Jérusalem, dans le livre de Sophonie. Le prophète, disons, Yahvé via le prophète dit: en ce jour, je ferai rendre compte à quiconque saute par-dessus le seuil. Donc, apparemment, ça se fait aussi dans le temple de Jérusalem. Le prophète n'a pas trop aimé ça, probablement parce que c'est un peu comme en Jérémie 7, il y a ce rite, mais qui est en fait imaginé sans doute pour être suffisant et donc te protéger, même si voilà, on remplit de violence et de tromperie la maison du Seigneur. Je pense que ce n'est pas forcément le rite en tant que rite qui est condamné, c'est peut-être une certaine idée que ce rite pourrait protéger malgré tout comportement éthique inapproprié. C'est un peu comme on dit en Jérémie 7, vous allez vous prosterner, vous allez dans ce temple, vous dites maison du Seigneur, maison du Seigneur, maison du Seigneur, mais vous versez le sang, vous maltraitez l'innocent, etc. Donc c'est probablement un peu cette idée-là. L'importance du seuil, on le trouve dans plusieurs endroits. Dans le livre d'Ézéchiel, lorsque Yahvé va accompagner le peuple en exil, il est dit que la gloire de Yahvé s'éleva de dessus le kéroub sur le seuil de la maison. C'est à partir du seuil que, en effet, Yahvé va se rendre en exil. Et dans la vision du nouveau temple, en Ésaïe 40, alors là, le seuil va être une sorte de source à partir de laquelle va sortir de l'eau qui va arroser le pays. Tout petit peu comme vous avez aussi après dans l'Apocalypse de Jean, dans le Nouveau Testament. Donc, je pense que cette coutume existait bien avant l'histoire. On a pris, en fait, l'histoire comme une sorte d'occasion d'expliquer une coutume qu'on connaissait, mais dont on ne savait pas très bien quelle était l'origine. Et là, on a trouvé une origine. Alors, l'histoire continue, donc on va continuer notre traduction. Maintenant, l'arche va être transférée de Ashdod à une autre ville philistine. Donc vous allez en fait faire la connaissance non pas des cinq villes, mais de trois villes des Philistins. Donc après Ashdod, ils vont arriver à Gath. La main de Yahvé, verset 6, était lourde sur les Ashdodiens et il fit chez eux des ravages. Il les frappa par des... Alors là, ça devient maintenant très compliqué, par des tumeurs, par des bosses. Les massorètes ont vocalisé ce mot « bosse » avec les voyelles d'un autre mot, « terrorim », qui veut dire les hémorroïdes. Alors vous savez que vous connaissez l'idée de ce qu'on appelle le « ketiv » et le « keré ». Non, si vous ne connaissez pas. Alors, en fait, les massorètes, quand ils ont commencé à vocaliser le texte, parce qu'évidemment, le texte était d'abord sans voyelles, et quand les massorètes ont ponctué, mis des petits points au-dessus, au-dessous du texte, ils ne pouvaient plus toucher en fait les consonnes. Et quand ils voulaient quand même changer un mot, bah, ils ont pris en fait les voyelles du mot par lequel ils voulaient remplacer le mot qui faisait problème. Hein, ils ont distingué du coup le ketiv, ce qui est écrit, et le keré. C'est ce qu'il faut prononcer, ce qu'il y a à lire. Et ici, il y a un mot, donc je vais y revenir, qui veut dire simplement des bosses, je ne sais pas trop quoi, lesquels, et puis eux, ils ont pris les hémorroïdes. Pourquoi ? On verra. La Septante a toute autre chose. La Septante parle, en fait, des souris ou des rats. Le texte de la Septante est très différent. La main donc de Yahvé s'abattit sur eux et elle fait s'agiter de l'eau contre leur navire. Et au milieu de cette région surgirent des rats. Et ce fut une grande confusion de morts dans la ville. Donc c'est très différent ce que nous avons par rapport au texte hébreu. Le texte hébreu parle des bosses, des tumeurs. Le texte grec parle des souris ou des rats. Et parler des souris semble plus logique, ou des rats, parce que plus tard, quand les Philistins vont renvoyer l'arche, on dit qu'ils font des souris ou des rats en or. Et dans le texte massorétique, on n'a jamais entendu parler auparavant des souris. Donc, dans le texte hébreu, ce n'est pas très clair. Donc, soit le texte hébreu a été transmis de manière un peu lacunaire, ou que, en fait, le grec se base sur un texte hébreu qui est peut-être, en fait, le texte original, et ça a été perdu dans le texte qui est devenu celui de la tradition massorétique. Donc, nous allons voir, garder ça en tête, nous allons voir toujours cette hésitation entre les rats, les souris, et les tumeurs, les bosses, les hémorroïdes, ben, on reviendra là-dessus. Et les hommes d'Ashdod virent qu'il en était ainsi, et ils dirent: l'arche de Dieu d'Israël ne restera pas avec nous, car sa main a été dure contre nous et contre Dagon, notre Dieu. Ils envoyèrent des messagers, ils rassemblèrent chez eux tous les gouverneurs des Philistins, et ils dirent: que ferons-nous à l'arche du Dieu d'Israël? Ils dirent, on ne sait pas qui c'est le « il », dans le texte de la Septante, c'est les habitants de Gath. Hein, ils dirent: à Gath sera transférée l'arche du Dieu d'Israël, et ils transfèrent l'arche du Dieu d'Israël à Gath. Gath manque dans le texte massorétique, mais bien attesté dans le fragment de Qumran. Donc maintenant, vous avez vu, après la destruction de la statue de Dagon, il y a des plaies qui sortent du temple, hein, c'est-à-dire en fait qui s'emparent de l'ensemble de la population. Alors, Dagon a perdu ses mains, mais maintenant, on va dire la main de Yahvé était lourde. Ça, c'est pas par hasard. Donc, on a coupé les deux mains de Dagon, mais la main de Yahvé, elle est lourde sur les habitants de Ashtot. La main de Yahvé est mentionnée souvent dans les textes bibliques. On peut penser notamment dans l'histoire de l'Exode, au moment des plaies, où Yahvé va annoncer « Les Égyptiens vont connaître que c'est moi, Yahvé, quand je vais étendre ma main contre l'Égypte. » Mais la main d'un dieu, c'est quelque chose qui est très courant dans le Proche-Orient ancien. Ce n'est pas quelque chose typiquement biblique, comme on peut le lire dans certains commentaires. Méfiez-vous, pas faire des commentaires, de dire « voilà, c'est clairement une allusion à l'Exode ». Pas si clairement, parce que vous l'avez déjà dans ce qu'on appelle le Job babylonien. C'est au milieu du deuxième millénaire, une sorte de complainte qui rappelle à certains endroits le livre de Job, de quelqu'un qui se plaint du dieu Marduk, qui en fait l'accable de toutes sortes de malheurs. Et donc, c'est lui qui prononce ses prières, dit « sa main était lourde, je ne pouvais la supporter ». Donc ça veut dire que cette expression de la main de Yahvé qui est lourde n'est pas nécessairement une allusion à l'Exode, c'est en effet un discours, une forme stylistique qui est en effet répandue dans tout le Levant. Et là, en effet, Yahvé est présenté à l'instar des dieux qui, en effet, peuvent frapper par la maladie, par la peste et d'autres fléaux, comme vous l'avez aussi dans ce texte du livre de Habacuc, on dit devant Yahvé, marche la peste, la fièvre sort sur ses pas. Donc la main de Yahvé, en fait, comme étant responsable, via l'arche, de tous les fléaux qui vont s'abattre sur les habitants de Ashdod. Alors, il faut revenir sur cette question. Certains trouvent, on ne saura jamais, mais bon, revenons quand même. Qu'est-ce que c'est comme plaie ? Donc, je vous ai dit que dans le texte grec, on insiste sur l'invasion des souris ou des rats. Akba, ça peut être les deux. Plutôt des rats, probablement, puisqu'ils semblent transmettre des maladies. Et comme je vous ai dit, le texte massorétique ne les mentionne que au moment où on renvoie l'arche avec des représentations, donc ce qui serait une sorte d'analepse, mais qui n'est pas très très heureux. Donc on peut en effet imaginer que ces rats font partie en fait du récit originel. Les tumeurs ou les bosses ne sont jamais mentionnées directement dans le texte grec. Dans le texte grec, on dit que Yahvé frappe les Philistins sur leur derrière, sur leur siège, Hédras. Bon, on ne sait pas très bien ce que c'est. Alors, on va commencer avec les rats, après on va passer au derrière. Alors, pour les rats, à mon avis, c'est assez clair, parce que au moins le narrateur sait que Ashdod se trouve très proche de la mer. Il y a une port qui est à 4 km, Ashdod Yam, mais évidemment, c'est proche de la mer. Nous avons vu déjà, c'est une ville où arrivent les navires pour les commerces, etc. Et donc, avec les navires, évidemment, arrivent des rats infectés et qui peuvent, en effet, amener toutes sortes de maladies. C'est assez logique. Et évidemment, un peu comme, je pense, aujourd'hui chez nous, l'animal rat ne pas très apprécié. Il arrive pas souvent dans le texte biblique, on l'a dans le Lévitique. Dans le Lévitique, au chapitre 11, les rats ou les souris font partie des animaux impurs, évidemment. Et dans la troisième partie du livre d'Ésaïe, il y a une sorte de description d'un culte horrible qui sont dans les jardins, c'est pas très bien. Ce sont toutes des activités aussi un peu orgiastiques, sexuelles. Et après, on mange de la viande de porc et des souris et des rats. Donc, je ne sais pas si c'est très bon, mais enfin. Et on trouve ça, c'est donc épouvantable. Donc je pense ici, l'idée, c'est que les rats sont porteurs de maladies, encore que le texte ne dit jamais directement ce lien entre les rats et la plaie qui frappe les Ashdodiens. Mais je pense qu'on peut le supposer. Maintenant, ce qui est beaucoup plus difficile, c'est les ophalimes, hein, les bosses, les tumeurs. Donc en hébreu, voilà, c'est ça. Et puis, comme je vous ai dit, les massorètes l'ont vocalisé avec techorim, ce qui devient presque imprononçable, parce que vous savez que ceux qui sont hébraïsants, je vous dis simplement, quand vous avez un aïn, un guttural avec un cheval, c'est impossible. Bon, donc ça montre très bien, on a cette idée de que type est queré. Se pose la question maintenant, qu'est-ce que le texte primitif? Alors, les massorètes, on sait qu'ils ont pensé à des hémorroïdes, mais le texte primitif, il a pensé à quoi? Alors, toutes sortes de théories, je vous donne quelques-uns. Une théorie tout récente a été proposée par Aaron Meir, qui est archéologue qui travaille justement sur les sites philistins de Gath. Lui est parti de l'idée qu'on a trouvé à Gath et à Ashkelon toutes sortes d'objets phalliques en bronze et en céramique. Bon, apparemment pas circoncis, donc ce qui correspond aux philistins. Maintenant, la question, à quoi ça sert, ces objets? Et donc l'idée de Meir, c'est en fait que les ophalimes seraient en fait des ex-voto phalliques. En fait, ce qu'on a ramené avec l'arche, ça aurait été des... je vous parlerai plus tard encore des ex-voto, mais des représentations en fait de phallus, parce que l'idée de Meir, ce que Yahvé aurait frappé les Philistins dans leurs organes génitaux. Donc en fait, ils les auraient frappés avec impuissance, donc avec dysfonction érectile. Ce qui me semble un tout petit peu quand même difficile. Bon, c'est vrai qu'on a ces objets qu'il faut expliquer, mais est-ce qu'il faut les expliquer avec l'histoire de 1 Samuel 5? Je ne suis pas tout à fait sûr. Et il n'y a pas vraiment d'indication que Ophalim ou Ophal soit un euphémisme, il n'est pas utilisé ailleurs comme euphémisme pour l'organe sexuel masculin. Donc je pense que ça va bien pour vendre des choses, mais je pense que c'est pas... Alors d'autres ont pensé à la dysenterie, d'autres ont même fait un lien entre Ophalim, parce que c'est comme ça ça se prononçait d'abord, pas le PH, Ophalim et Apollon. Étant donné que Ophalim, c'est pas un mot très très fréquent, et Apollon, c'est en effet aussi un dieu qui peut apporter la peste. Nouveau, ça reste assez spéculatif, me semble-t-il. Donc, reste peut-être une autre hypothèse qui se trouve, je crois, pour la première fois dans les commentaires que Luther fait en traduisant la Bible en allemand, où il parle de la peste noire, qui en allemand, de nouveau c'est intéressant, en allemand la peste noire s'appelle la Beulenpest, la peste avec des bosses, hein, des excroissances. Et donc, déjà Luther, ça a été repris par beaucoup de médecins, par beaucoup de commentateurs maintenant. En fait, ce que auraient frappé les Philistins, ça aurait été une sorte de peste bubonique qui, en fait, touche surtout les parties inférieures du corps, ce qui pourrait expliquer les fesses du texte grec, hein, et qui peut être, en effet, transmis par des rongeurs ou par d'autres animaux infectés. Et donc, ça pourrait aussi correspondre à la représentation de la maladie par des bosses en 1 Samuel 6. C'est possible. D'ailleurs, on peut aussi penser au Moyen-Âge, en fait, on avait les crapaudines. Les crapaudines, c'était des sortes de pierres, en fait, plutôt des fossiles, hein, qu'on utilisait comme des ex-voto ou comme des amulettes, en fait, contre la peste. Hein, un peu ce que font les Philistins ici. Donc c'est une théorie possible. Nouveau, je ne peux pas vous dire qu'elle est juste parce que le texte reste très très discret par rapport à la question. Il n'y a pas d'attestation claire d'une telle peste avant l'ère chrétienne, mais bon, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas auparavant, donc ça, on ne peut pas le dire. Mais ça fait assez de sens par rapport à la mise en narration. Ce terme est très très rare. Et quand on regarde où on le trouve ailleurs, bah, ça aide pas beaucoup. On le trouve dans les malédictions qui se trouvent à la fin du livre du Deutéronome. On dit en effet que Yahvé va frapper tous ceux qui transgressent le commandement, d'abord par des furoncles d'Égypte, pas très bien, et aussi de nouveau par des ophalim, dont on ne sait pas de nouveau très bien ce que c'est. Certains ont voulu mettre en rapport avec l'histoire de l'arche cette idée du psaume 78, qu'il a frappé ses ennemis par arrière, achor, donc ce qui n'est pas sans évoquer les fesses du texte grec, mais de nouveau, ce n'est pas très, très clair. Donc je pense qu'il faut conclure que le narrateur pensait sans doute à une maladie caractérisée par des excroissances et les massorètes, l'ont probablement comprise dans le sens d'hémorroïdes, mais sans que ça ait été probablement l'idée première. Ces fléaux vont maintenant donc provoquer le transfert de l'arche à Gath. Donc on a les chefs des Philistins qui se réunissent et qui sont appelés en hébreu toujours les Seranim. Alors cette ville qui maintenant va être mentionnée, c'est Gath. Gath, donc après Ashdod, on va passer à Gath. Gath est à 10 kilomètres au sud de Ekron, qui va être la troisième ville, et qui est la ville la plus proche finalement du territoire judéen. Ville fouillée déjà au début du XXe siècle par des Danois et maintenant par l'université de Bar-Ilan, par Aaron Meyer, dont je vous ai déjà parlé, avec son hypothèse sur les ophalim. De nouveau, comme Ashdod, un lieu occupé deux millénaires avant l'arrivée des Philistins, donc surtout à l'époque de Hyksos, et une ville très très importante au niveau de l'occupation philistine, qui montre en effet aussi que les Philistins ont repris beaucoup du style religieux du Levant. Donc Gath était une ville importante jusqu'au début de premier millénaire, jusqu'au 9e siècle. Selon le livre des rois, elle était attaquée par le roi d'Aram, ce qui est possible puisqu'on trouve apparemment des traces de destruction à cette époque. De nouveau, comme Ashdod, intervention des Assyriens, destruction par Sargon. Et ensuite, contrairement à Ashdod, comme je vous ai dit, la ville continue quand même jusqu'à l'époque chrétienne. Il n'y a plus mention de Gath dans les sources. Il y a un petit peu d'occupation à l'époque hellénistique et plus rien jusqu'à l'arrivée des croisés qui vont y construire le château de Blanchegarde. Pas très bien s'ils savaient s'ils étaient sur le site de Gath ou non. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Thomas Römer le 5 avril 2018 dans le cadre de sa série L'Arche d'Alliance, mythes, histoires et histoires. Aujourd'hui, l'Arche en territoire philistin. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos, les citations et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Thomas Römer. Il a publié au Seuil L'Invention de Dieu et tout récemment sur des dessins de Léonie Bischoff, Naissance de la Bible, comment elle a été écrite, aux éditions Le Lombard, collection La Petite BDTech des Savoirs. Un grand merci à Marguerite Maubert et aux équipes de la documentation d'actualité de Radio France. Réalisation Anne Sacheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons notre enquête sur l'Arche d'Alliance en compagnie de Thomas Römer et nous suivrons les pérégrinations de l'Arche. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.